nous savons galoper. Où c'est fin d'ouvrir, belle tique et flé nous yo. Pour le bon zéphon, nous cassons d'ouvrir. Sous d'eau, Haïti, Doma. Salim le demande, quand ça me fait vite.